ce pays, croyant que tout allait mieux, mais au fond, on n'était pas fait pour là. On traverse les mers liquides, pour rien, croyant mieux ici que là-bas. Une planète vide de tout au fond. Ce qu'il restera.